Histoire vivante, c'est pour tout de suite, jusqu'à 14h. Merci d'écouter la première. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Eh bien, les titres de l'actualité se rapportent évidemment à un seul événement, le drame de Munich. Oui, Munich, le stade olympique. Il était 10h ce matin. Histoire vivante. Berger David, Gottfried Joseph, Weinberger Moshe. C'était de véritables camarades. Ils sont morts dans la fleur de leur vie. Cette semaine, tragédie à Munich, les Jeux endeuillés. On lance des appels à la population et surtout aux automobilistes. On leur dit ne prenez pas d'autostoppeur, c'est dangereux. Il y a des hommes armés qui sont prêts à tout. Une semaine olympique sans précédent. Chapitre du jour. 5 septembre 1972. Une journée noire. 4h30. Le village olympique dort du sommeil égoïste et jaloux des sportifs. Un portier qui rejoint son bureau de tri dans la nuit froide aperçoit 5 hommes qui escaladent côté sud la grille qui entoure le village. Tenue d'entraînement, sacoche de sport avec écusson, le postier imagine que ces 5 hommes sont des athlètes qui se sont payés une petite virée du côté des Eros Center de la Goethe ou de la Schillerstrasse. Pauvre Goethe, pauvre Schiller, c'est pas le tout d'être un génie, encore faut-il envisager le post-mortem. D'ordinaire, le postier aurait sans doute donné l'alarme, mais en ces années 70, l'Allemagne est un pays qui surveille ses démons en permanence. Traumatisée par la dernière sombre période, elle ne veut plus être ni donner l'image de cette nation galvanisée par une discipline aveugle. On a décidé du coup de faire de la Polizei une vitrine de cette nouvelle Allemagne soft. L'occupation de Paris a dû laisser quelques réflexes puisque les autorités vont aller guigner du côté des grands couturiers. On habille la Polizei en courage, s'il vous plaît. Tenue bleu ciel, casquette blanche et puis surtout pas d'armes. Ah non, ça déforme les poches. Enfin rien, rien qui puisse rappeler le passé. Et dans le même chapitre, cela fait déjà plusieurs jours qu'on a quasiment renoncé à exercer un contrôle sur les personnes qui pénètrent dans le village. Sur les lieux de compétition, il y a sans doute 15 000 policiers et une bonne centaine d'agents du contre-espionnage, mais c'est un dispositif impuissant, comme paralysé. Or, le groupe d'hommes qui pénètrent nuitamment dans le village olympique cette nuit du 5 septembre 1972 est un commando septembre noir. Un petit noyau capable de causer un grand désordre. Il peut le faire car la brèche qu'il a devant lui est énorme. C'est une brèche psychologique. Les fédaïnes qui se sont regroupées sont maintenant 8. Ils connaissent parfaitement le terrain. Leur objectif, le bungalow de la délégation israélienne. 4h55, le commando fait irruption. Dans le bungalow, seul l'entraîneur des haltérophiles est debout. Moshe Weinberg, un colosse d'une 30aine d'années. Il tente de bloquer la porte. Un coup de feu a traversé celle-ci, il est blessé mortellement. Son poulain, Joseph Romano, connu pour ses farces, ses éclats de rire, est lui aussi abattu. Cette résistance offre le moyen à 5 athlètes israéliens de prendre la fuite. Dans le bungalow, il reste 11 otages. 5h03. Des femmes de ménage préviennent la police que des coups de feu ont été tirés au village olympique. 5h20. 300 hommes armés de la police allemande se glissent dans le village et quadrillent le bloc où se trouve le commando. 6h. Entrée en scène du préfet de police, M. Manfred Schreiber, habillé comme à son habitude avec une élégance recherchée, et de Willy Daum, président du comité d'organisation des Jeux. Apparition également pour la première fois d'un homme couvert d'un chapeau blanc. C'est le chef du commando, il mènera toutes les négociations. Jérusalem porte l'affaire devant l'opinion mondiale et met chacun devant ses responsabilités. 8h. On apprend enfin l'identité du commando. Ils se présentent comme des fédaïnes palestiniens. Ils posent un ultimatum. la libération de 200 prisonniers politiques arabes détenus en Israël en échange de la vie des 9 otages. Plus un appareil leur permettant de quitter l'Allemagne avec les otages. L'ultimatum est adressé au gouvernement d'Israël, commandé à l'époque par Madame Golda Meir. Il expire à midi. Toute la République fédérale allemande est mobilisée. À Bonn, le chancelier Brandt a cessé toute autre activité. On cherche à associer Israël à toutes les décisions. Israël, elle, considère qu'il s'agit d'une affaire purement allemande. La RFA est la puissance organisatrice des Jeux, c'est à elle de se tirer de ce guépier. La position de Tel Aviv est nette, refus de céder au chantage. C'est le principe intangible de la politique israélienne. L'affaire qui a éclaté en territoire allemand se dénouera en territoire allemand. Ce sont maintenant 3000 policiers qui quadrillent le secteur. Tireurs d'élite sur les toits, les policiers ont procédé au changement de costume. Ils ont momentanément laissé la petite tenue courage et les voilà déguisés en sportifs. Autrement dit, ils portent la même tenue que les terroristes. Pour s'y reconnaître, cela commence à devenir difficile. 9h55. Les fédayines placent devant la porte du bungalow la liste des 200 prisonniers qui doivent être libérés. Dans le lot, on retrouve le nom de Kodzo Akomoto, le survivant de l'attentat suicide sur l'aéroport de Lod, à Tel Aviv. Un genre de prise que les Israéliens ne risquent pas de lâcher de sitôt. Autrement dit, on est déjà embourbé à même pas 10h du matin dans quelque chose de terriblement spongieux. Alors il faut faire appel aux bonnes âmes, de celles qui savent se dévouer dans les moments délicats. Le ministre de l'Intérieur, celui de Bavière, le préfet de police de Munich et l'ancien bourgmestre s'offrent comme otages. On serait tenté d'applaudir, mais les fédayines les envoient balader, l'offre est repoussée. L'état-major de crise délibère. Il n'est plus question de négocier avec les terroristes, puisque Tel Aviv ne libérera aucun prisonnier. Et on l'a vu, les négociations avec les fédayines sont des moins souples. Que faire si la ruse résiste? Il ne reste qu'à décider les moyens d'une action. On décide de prendre un plus grand nombre de tireurs d'élite sur les lieux et de former un groupe de policiers de choc pour prendre éventuellement le centre israélien d'assaut. Mais, comme on peut l'imaginer, c'est pas le genre de choses qui s'improvisent à la volée, on parvient à repousser l'ultimatum jusqu'à 15h. À midi, toutes les rédactions des radios font naturellement leur une sur ces événements, c'est le cas de la radio romande, Miroir du Monde, édition du midi, du 5 septembre 1972. Il est midi, voici le journal. Et vous vous en doutez, c'est sur Munich et l'attentat au village olympique que porteront les développements de ce journal de midi, Claude Froidebeau. Oui, le Munich strictement sportif a passé au second plan et sur place, Bertrand Zimmermann nous rappelle la synthèse des événements de la matinée. Eh bien, Munich, ça devait être la journée de repos. Une partie de la nuit avait été consacrée à visionner la télévision, le match URSS-Canada. Et ce matin, c'était le drame. Je vous rappelle brièvement ce qui s'est passé à la suite de la conférence de presse qui vient de se tenir il y a à peine une demi-heure. C'était à 4h30 que des déflagrations ont été entendues au village olympique. Le bilan, eh bien, il y a un mort, un membre de la délégation israélienne et un blessé. Le nombre des rebelles, on ne le sait pas, il semble qu'il y aurait entre 5 et 20 rebelles prétendus palestiniens. Le nombre des otages, eh bien, ça oscille entre 9 et 26, selon la déclaration du chef de la police de Munich. Il y a 3 conditions à l'ultimatum qui semblent a priori sans solution. Le gouvernement bavarois a offert une somme illimitée pour libérer ces otages. Ça a été refusé. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Par mesure de sécurité, le chef de la police a refusé de donner beaucoup de détails. On en saura peut-être plus à 12h30, mais toujours est-il que la surveillance est accrue. Il est impossible ce matin d'entrer au village olympique. Même dans les baraquements de presse, eh bien, il y a un contrôle qui est redoublé et on le comprend. Donc, pour l'instant, on sait simplement qu'il y a un mort, un blessé au 31 de la rue Connelly dans le village olympique. Je vous le rappelle, par mesure de sécurité, il n'y a pas plus de précision. On espère en savoir plus à 12h30. Rendez-vous à 12h30. Bertrand Zimmermann, mais en attendant, ici, nous avons reçu d'autres informations à propos de cet attentat de Munich. C'est Jean-Pierre Clavien qui les a réunis. Évidemment, la stupéfaction a été totale à Munich, où l'on se demandait ce matin si les Jeux de la 20e Olympiade pourraient se poursuivre. Madame Golda Meir a réuni d'urgence son cabinet pour discuter de la situation. de sources généralement bien informées, on pense que Jérusalem demanderait la suspension des Jeux. Mais ce n'est pas l'avis de M. Avery Brundage qui a décidé, lui, que les Jeux Olympiques se poursuivraient. M. Billy Dome, président du comité organisateur, a du reste déclaré, je cite, « Les participants fourniront la preuve que l'esprit olympique de paix est plus fort que le fanatisme politique d'assassins cyniques. » Pour l'instant, le commando palestinien détient toujours les otages et menace de les exécuter si un certain nombre de prisonniers détenus en Israël ne sont pas libérés. La liste de ces prisonniers a été transmise à Jérusalem par la Croix-Rouge. Elle comprendrait le nom de Kozo Okamoto, le japonais auteur du massacre de l'aéroport de Lod au mois de mai dernier. Le gouvernement israélien en séance examine les exigences du commando, mais il faut rappeler que dans le passé, Israël a toujours rejeté le chantage émanant de terroristes. Une chose est en tout cas certaine, c'est l'organisation palestinienne de résistance Septembre Noir qui a organisé cette agression. Dans une dépêche égyptienne du Moyen-Orient, Septembre Noir revendique en effet la responsabilité de l'attaque. Éternelle, El Rabaïe, chanson traditionnelle palestinienne, adaptée ici pour refléter la nouvelle réalité politique de l'occupation. Interprétée par Inad Rifaki. Chapitre unique, suite de la journée noire qui porte de mieux en mieux son nom. Ça ne s'arrange pas. Nous l'avons vu dans le journal de midi, les rédactions, en cette journée du 5 septembre 1972, sont littéralement prises de court, obligées de distiller l'information avec infiniment de précautions, des peut-être, du conditionnel, on nage dans le bleu. Et ça va pas aller en s'améliorant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les compétitions suivent leur cours. Compétition de kayak, match de volley. L'équipe de Corée du Sud doit se rendre à un match. Enfin quand même, elle y va en voiture blindée. Mise en place des policiers équipés de gilets pare-balles. Abandon définitif de la tenue courage. D'ailleurs, aucun autre grand couturier n'est sollicité en la circonstance. L'état-major de crise, de son côté, décide de l'assaut. Le chancelier Willy Brandt arrive au village olympique en hélicoptère. Il semble défait, accablé. Pour celui qui a voulu réformer en profondeur l'image de son pays, cette journée annule tous ses efforts. Quant aux relations fragiles avec Israël, on ose à peine y penser. Il s'enferme avec l'état-major. Qu'est-ce qu'on fait ? On attaque ? Non, on n'attaque pas. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait ? Personne ne sait, mais quand même, on n'attaque pas. L'idée de l'assaut est abandonnée. Mais il y a quand même une nouveauté qui pourrait redonner un peu d'espoir. On a réussi à constater que le commando n'était composé que de 5 hommes. 5 au lieu de 8. Et à force de circonvolutions, de précautions multiples, on parvient à obtenir un nouveau délai jusqu'à 17h. 15h30, la situation est sans issue. Pendant ce temps, le chancelier Brandt a réussi à convaincre la Tunisie, avec laquelle l'Allemagne entretient de bons rapports politiques et économiques, de tenter une médiation. L'ambassadeur se présente sous les fenêtres des fédaïnes. Aucune prolongation n'est cette fois obtenue. Le comité olympique international décide enfin de suspendre les compétitions. Le match de football Allemagne-Hongrie est remis au lendemain. Forcément, ça fait des fâcheux. Tout au long de ces heures d'attente, les observateurs sur place constatent qu'un grand nombre de sportifs jouent aux boules, au golf, restent attentifs avant tout à leur décontraction musculaire et mentale. On aurait entendu un entraîneur soupirer « Cette histoire, c'est vraiment mauvais pour la concentration. » Mais ça, c'est forcément des mauvaises langues qui ont rapporté la chose. Le monde ne peut pas être si égoïste. 15h45, le chef des fédaïnes, l'homme au chapeau blanc, est identifié. C'est Abdelkader El-Gnaoui, un ingénieur qui a fait ses études en Allemagne. Il s'est fait embaucher au village olympique. L'information irrite Israël, elle l'irrite d'autant plus qu'avant les Jeux, Israël avait proposé à l'Allemagne de veiller elle-même sur ses propres athlètes. Ce que l'Allemagne avait fort poliment mais clairement refusé, on sait quand même faire la police chez soi. Eh ben pas toujours. Et bientôt, un mystérieux personnage apparaît. On le voit tantôt au village olympique avec l'état-major, tantôt dans le grand hôtel de Munich avec l'ambassadeur d'Israël. On le voit circuler escorté en permanence de 2 voitures de police. Cette personnalité discrète, accompagnée d'une équipe de gaillards taillés en force, n'est autre que Shimon Peres. Et oui, le même, pas un homonyme. Shimon Peres est officiellement ministre des Transports. Officieusement, ça fait un paquet qu'il supervise les services secrets israéliens. 16h30, l'ultimatum va expirer dans une demi-heure. Hans-Dietrich Genscher, le ministre de l'Intérieur, entre en contact avec les fédaïnes et tente une dernière négociation. 17h15, on est parvenu à un accord. Les fédaïnes, accompagnés de leur otage, quitteront le village à bord d'un hélicoptère qui les emmènera sur un aéroport où les attendra un Boeing de la Lufthansa. La destination est évidemment tenue secrète. Voilà. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout, du tout. Le plan de l'état-major de crise est tout à fait différent. Israël ne reviendra pas sur sa décision. Donc, mathématiquement, si l'on ose exprimer ainsi le pragmatisme terrible dans lequel vont s'engouffrer les autorités allemandes, les 9 otages israéliens sont d'ores et déjà perdus. Il faudrait juste que ça ne soit pas l'Allemagne qui ait apporté tout le chapeau de la bavure, car bavure, il va y avoir. En général, la bavure surprend, celle-là, on l'attend. Dissimulés derrière des volets, embusqués sur les toits, les tireurs d'élite de l'armée allemande vont essayer d'abattre simultanément les 5 fédaïnes pendant leur trajet à pied jusqu'aux hélicoptères. Voilà la bavure à venir. Willy Brandt finit par donner son accord à ce plan. Il a déjà envisagé que son exécution aura sans doute des conséquences désastreuses sur les relations de l'Allemagne avec les pays arabes. Que lui reste-t-il comme arme dans la manche? La diplomatie. Il livre alors une course diplomatique de la dernière chance. Il fait venir à Munich par avion spécial le chargé d'affaires égyptien, le chef du bureau de la Ligue arabe à Bonn. Il tente de joindre Sadat. Celui-ci est introuvable et il y a également des chances qu'il ne décroche pas son téléphone spontanément. Udo Lindenberg, aujourd'hui icône des artistes engagés en Allemagne, est à l'époque une star naissante dans son pays. Il chante Rock and Roll Band. Ich bin Trommler in einer Rock'n'Roll Kapelle. Ich bin Sänger in einer Rock'n'Roll Band. Dich zu kennen, das ist groß, doch ich muss jetzt wirklich los. Das verstehen, aber Mädchen, das ist doch erregend. Wir spielen bestimmt mal wieder hier in der Gegend. Bis dahin hört ihr unsere Platten an oder deutsches Fernsehen, viertes Programm. Da sehen wir uns wieder, da sehen wir uns wieder. Ich bin Trommler. Atterrissage d'un hélicoptère à 200 mètres derrière l'immeuble des Israéliens, suivi par deux autres qui se posent sur le terrain olympique. C'est alors, coup de théâtre, que les fédayines refusent de faire à pied le trajet jusqu'à l'hélicoptère. Ils exigent un car. Le plan de la police allemande s'effondre brusquement. On peut imaginer sans difficulté la poussée d'adrénaline à la tête des forces de police. Il faut changer tout le dispositif de l'embuscade. Il s'agit maintenant d'attendre les fédayines sur l'aérodrome où les attend le Boeing. Les tireurs d'élite doivent donc être transportés de toute urgence et l'on doit fixer leurs emplacements et les camoufler en toute hâte. L'opération de la dernière chance s'effectue dans la plus grande confusion. 22h50. L'aérodrome n'est éclairé que par la tour de contrôle, les bâtiments annexes. Les tireurs sont dissimulés derrière le Boeing, mais on n'en a rassemblé que 5. 5 snipers pour 5 fédaïnes. Les deux hélicoptères s'immobilisent, deux fédaïnes en sortent, vont inspecter l'avion de la Lufthansa, puis retournent vers les hélicos. Deux autres membres du commando descendent à leur tour, avec deux otages, les mains attachées derrière le dos. Couchés derrière l'avion, les tireurs ouvrent le feu. Les fédaïnes ouvrent le feu sans hésiter. Dès qu'ils se trouvent sur la piste, ils sont immédiatement tués. La suite vous est racontée par Eric Walter, envoyé spécial de la radio suisse romande à Munich. Entre 23h et minuit 30, il y a de multiples interventions de M. Allard à la télévision. Les nouvelles sont contradictoires. M. Allard affirme que le gouvernement allemand a pris la décision de ne laisser en aucun cas décoller l'avion et de tout faire pour empêcher les terroristes de partir en Égypte avec leurs otages. Puis, parmi le flot de nouvelles contradictoires, on apprend que les fédayines auraient été tués, sauf un. Puis on dit sauf trois. On dit que ceux qui se sont enfuis sont sur les bords de l'autoroute. On lance des appels à la population et aux automobilistes. On leur dit ne prenez pas d'autostoppeur, c'est dangereux. Il y a des hommes armés qui sont prêts à tout. Et puis, on affirme que les otages ne sont pas sains saufs, mais qu'ils ont pu s'enfuir et qu'ils sont tous vivants. On l'affirme de manière si péremptoire qu'on annonce la reprise des Jeux avec un décalage de 24 heures. La cérémonie de clôture devant avoir lieu non pas le dimanche, mais le lundi. On va se coucher soulagé et ce matin, au réveil, on apprend que les événements se sont précipités encore pendant la nuit. En fait, que s'est-il passé? Il semble qu'au moment de l'arrivée de l'hélicoptère, deux terroristes sont descendus de l'engin pour monter dans l'avion afin de l'inspecter. Et c'est au moment où ils allaient monter dans l'avion que la police a ouvert le feu. Il faut préciser là que toutes les lumières de l'aéroport avaient été éteintes et qu'on a tiré. Mais les deux Arabes qui ont été tués dans cette opération ont eu le temps de lancer des grenades armées qu'ils avaient dans les mains sur l'hélicoptère. L'hélicoptère a pris feu et c'est sans doute là que les otages sont morts. Quant à la fusillade, on nous dit d'abord qu'elle aurait duré 4 minutes. Hier soir, à minuit 30, on affirmait qu'elle avait duré 8 minutes. Un témoin oculaire déclare aujourd'hui qu'elle a duré très longtemps, que c'était une fusillade terrible. Par conséquent, la police allemande a pris là des risques énormes. Et au moment où un représentant du gouvernement allemand se félicitait sur l'écran de télévision hier soir à minuit d'avoir réussi une opération, eh bien à ce moment-là, les otages israéliens étaient déjà morts. Le reste de l'opération sera évoqué le 6 septembre au petit matin dans les premiers journaux des rédactions. À demain pour la suite de cette évocation. Un beau jour de 1970, une critique musicale avança. Si ce groupe réussit, je me suicide. Uriah Heep. Voilà 30 ans que ça dure. Lady in Black. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Ah,